Nasreddin, ce qu'on dit quand on n'a pas de masque. Nasreddin, mais tu es malade ? Bah non, pourquoi ? Tu portes un masque ? Bah oui, c'est très utile. Ça permet d'éviter de recevoir ou d'émettre des postillons qui pourraient être porteurs d'une charge virale. Mais l'autre jour, tu m'avais dit que si l'on n'était pas malade, les masques ne servaient absolument à rien. Oui, mais l'autre jour, je n'avais pas de masque.